إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Chers auditeurs, nous continuons aujourd'hui de méditer sur quelques récits du Coran afin d'en tirer différentes leçons et enseignements. Nous avons vu hier un événement important de la vie du prophète Ibrahim alayhi salam et comment il a réussi avec succès l'épreuve du sacrifice de son fils. Et parmi les événements importants qui ont eu lieu durant la vie d'Ibrahim alayhi salam, il y a le récit du peuple de Lot et du châtiment terrible qu'ils ont subi lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala les a tous anéantis. Lot, alayhi salam, était le neveu d'Ibrahim, et il fut le premier à croire au message de son oncle Ibrahim, alayhi salam, lorsque ce dernier eut avec son peuple la discussion dont on a déjà parlé dans un cours précédent. Ibrahim, alayhi salam, émigra donc avec son épouse Sarah, et Lot se joint à eux, et ils quittèrent ensemble cette terre de mécréance. Par la suite, Lot alayhi salam se sépara d'Ibrahim, et ce sous son ordre et avec sa permission, pour se rendre dans la ville de Sodome, qui était une cité habitée par des mécréants parmi les plus pervers et les plus corrompus moralement. Ils pratiquaient le brigandage et commettaient la turpitude et le blâmable sans que personne parmi eux ne les rappelle à l'ordre. Et ils innovèrent un péché ignoble qu'aucun être humain n'avait commis avant eux. Ils commettaient la turpitude entre hommes et délaissaient les femmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées pour être les compagnes des hommes. Lot alayhi salam vint donc à eux pour les appeler à vouer culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser l'adoration de tout autre que lui. Et il les exhorta à délaisser les graves péchés qu'ils commettaient ainsi que les pratiques immondes et immorales auxquelles ils s'adonnaient. Malgré les exhortations de Lot, alayhi salam, ils persistèrent dans leur égarement et leur mécréance, et s'obstinèrent à la pratique de leur transgression et leur perversion. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala descendit sur eux un châtiment auquel ils ne s'attendaient pas et qu'ils n'imaginaient même pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala fit d'eux un exemple à méditer pour les gens doués de raison. C'est pour cela que j'ai choisi qu'on s'arrête aujourd'hui sur ce récit. Et le récit de Lot, alayhi salam, on le retrouve à différents endroits dans le Coran. Et j'ai choisi que l'on médite ensemble le passage de Surat al-Ankabut, à partir du verset 28, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa lutan idh qala li qawmihi innakum lata'toon al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim min al-alamin » Et Lot, quand il dit à son peuple, vous commettez vraiment la turpitude à laquelle personne ne vous a précédé parmi l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala a donc envoyé Lot alayhi salam afin qu'il prêche son peuple qui, en plus de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, pratiquait différents péchés comme le brigandage et s'adonnait à des pratiques immorales. Des pratiques qui n'avaient été commises par personne d'autre avant eux. Il les exhorta donc et il leur dit « أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالِ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلِ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرِ » Vous adonnez-vous au commerce physique avec les hommes et au brigandage et vous commettez le blâmable dans votre assemblée. Ce qui est traduit ici par le brigandage pourrait être traduit mot à mot par le fait de couper la route aux voyageurs. C'est-à-dire que parmi leurs péchés, il y a le fait qu'ils obstruaient le chemin aux voyageurs qui passaient par leur cité. Et ils les agressaient physiquement, en les contraignant à la turpitude. Et on rapporte également qu'ils s'adonnaient à la pratique de leur turpitude publiquement, les uns devant les autres, wal'iyadu billah. Lot, alayhi salam, tenta alors de les rappeler à l'ordre, et de les exhorter, mais ils refusèrent de l'écouter et se moquèrent de lui en lui disant, « Ittina bi'adabillah, in kunta min as-sadiqin. » Fais descendre sur nous le châtiment d'Allah si tu es du nombre des véridiques. On voit donc que leur mécréance et leur ignorance les poussa à réclamer la même chose que réclamèrent les gens du peuple de Nuh, alayhi salam. Et on trouve aussi au verset 82 de Surat al-Araf qu'ils dirent à Lout, Akhrijouhum min qaryatikum, innahum unasun yatataharun. Expulsez-les de votre cité. Ce sont des gens qui veulent se garder purs. Subhanallah. Ils inversèrent les rôles en faisant de la haute moralité de Lout, alayhi salam, une raison pour le réprimander et le blâmer et d'expulser de leur cité, alors que c'était eux qui méritaient d'être blâmés. Mais ainsi sont les gens du faux et de la mécréance. Ils inversent les rôles. Ils commettent des turpitudes et des péchés, et ils accusent ceux qui veulent se garder purs d'être des gens mauvais. Lot, alayhi salam, désespéra alors d'eux et sut qu'ils méritaient le châtiment en raison de leur mécréance. Il invoqua alors Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes, Rabbi nsurni ala al-qawmi al-mufsidin. Seigneur, apporte-moi ton secours contre ce peuple de corrupteurs. Allah subhanahu wa ta'ala exauça donc son invocation et envoya des anges pour les anéantir. Et ces anges passèrent tout d'abord chez Ibrahim alayhi salam afin de lui annoncer la naissance de Ishaq, puis de Yaqub alayhi salam. Ibrahim alayhi salam interrogea ensuite les anges afin de savoir où ils se rendaient. Et ils l'informèrent qu'ils allaient anéantir le peuple de Lout. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ. Et quand nos anges apportèrent à Ibrahim la bonne annonce, ils dirent, nous allons anéantir les habitants de cette cité, car ses habitants sont des injustes. Ibrahim alayhi salam tenta alors de les dissuader et leur dit, Inna fiha Lourda, mais Lourde se trouve dans cette cité. Ils lui dirent, Nahnu a'lamu biman fiha, lanunajjiyannahu wa ahlahu illa mra'ata, kanat min al-ghabirin. Nous savons mieux qui s'y trouve, nous le sauverons certainement, lui et sa famille, à l'exception de sa femme qui sera parmi ceux qui périront. Les anges se rendirent donc auprès de Lot, qui fut troublé par leur venue. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا. Et quand nos anges vinrent à Lot, il fut affligé pour eux, et se sentit incapable de les protéger. On rapporte que les anges vinrent sous l'apparence d'hommes jeunes et dotés de beauté, et ce, afin de mettre à l'épreuve le peuple de Lot. Lot, alayhi salam, pensa donc qu'il s'agissait de voyageurs et qu'il recherchait l'hospitalité. Il craignait donc pour eux le mal de son peuple qui risquait de les agresser. Les anges le rassurèrent alors et lui dirent « La tachaf, wa la tahzan, inna munajjuka wa ahlaka illa mara'atak, kanat min al-ghabirin. Ne crains rien et ne t'afflige pas. Nous te sauverons ainsi que ta famille, à l'exception de ta femme qui sera parmi ceux qui périront. Inna munziluna ala ahli hadhihi al-qarya rijzan min as-sama'i bima kanu yafsuqun. Nous ferons tomber du ciel un châtiment sur les habitants de cette cité en raison de leur perversité. Ils lui annoncèrent donc la venue du châtiment sur son peuple et ils lui ordonnèrent de partir durant la nuit avec sa famille. Et le lendemain matin, Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre son châtiment en mettant leur cité sans dessus-dessous et en faisant tomber sur eux des pierres d'argile les unes après les autres jusqu'à tous les anéantir. Allah subhanahu wa ta'ala fit de ce peuple un exemple à méditer pour nous tous. Il dit ensuite subhanahu wa ta'ala « وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ » Et certainement nous avons laissé de cette cité un signe évident pour des gens qui réfléchissent. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala laissa des demeures du peuple de Lot des ruines visibles afin qu'elles servent d'avertissement et que les gens se remémorent du châtiment que ce peuple subit afin de se remettre en question et de s'éloigner à leur tour des péchés en commençant par le péché du polythéisme mais aussi des turpitudes et des actes ignobles auxquels s'adonnait le peuple de Lot et qui sont aujourd'hui répandus dans de nombreuses sociétés, wallahu al-musta'an. On tire donc de ce récit de nombreuses leçons et de nombreux enseignements. Premièrement, on voit à travers celui-ci la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa clémence envers ses serviteurs. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, avant de faire descendre son châtiment sur un peuple, il leur envoie des avertisseurs. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 15 de Surat al-Isra, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Et certes, après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de prophète et plus de messager. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala envoie à ses serviteurs des avertissements, à titre de rappel, à l'exemple des inondations, des tremblements de terre, mais aussi des épidémies comme ce que nous vivons aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ » Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas, avant le grand châtiment, c'est-à-dire avant le châtiment de l'au-delà. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait goûter le châtiment ici-bas? Peut-être reviendront-ils. C'est-à-dire peut-être reviendront-ils vers le droit chemin. Peut-être reviendront-ils à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être reviendront-ils à leur raison et délaisseront le polythéisme qui est un acte insensé. Peut-être délaisseront-ils les péchés. Peut-être se remettront-ils en question suite à ces châtiments. Car il est bon de savoir que toutes les maladies, tous les malheurs qui atteignent les hommes dans ce bas monde, ils sont la cause de nos péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous fait goûter ces malheurs et ces châtiments de par sa grâce et sa miséricorde en réalité, afin que nous ayons l'occasion de nous remettre en question. Il dit subhanahu wa ta'ala « Zahara al-fasad fil barri wal-bahar bima kasabat aydinnas » La corruption est apparue sur la terre et dans la mer. Pourquoi? À cause de ce que les gens ont commis de leurs propres mains, à cause de leurs péchés, à cause de leur désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de leur turpitude, à cause des actes immoraux qu'ils commettent, et avant cela en raison de leur polythéisme et de leur mécréance. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ces malheurs? لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا Afin de leur faire goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. C'est-à-dire afin de leur faire goûter une part du châtiment en raison de leurs mauvaises actions. Seulement une part, pas tout le châtiment. Car si Allah subhanahu wa ta'ala faisait goûter à ses serviteurs le châtiment en raison de toutes leurs mauvaises œuvres, il n'y aurait plus aucune créature vivante sur terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait goûter à ses serviteurs une part de ce qu'ils ont œuvré. Pourquoi? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Peut-être reviendront-ils. Peut-être reviendront-ils vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se repentiront, délaisseront le polythéisme, délaisseront la mécréance, reviendront à Allah subhanahu wa ta'ala soumis, et également en ce qui concerne ceux qui sont croyants parmi les musulmans. Peut-être délaisseront-ils leurs péchés, peut-être délaisseront-ils leurs mauvaises actions. Ceci est la sagesse qu'il y a derrière ces épreuves, et qu'il nous convient de méditer. Et comme on a dit, ceci nous démontre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa clémence envers nous. Car il nous envoie des avertissements. Se peut que tu aies un moment d'insouciance, un moment de relâchement et que tu te mettes à commettre des péchés. Alors, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et sa miséricorde et sa sagesse, te fasse goûter certaines épreuves, afin que tu te remettes en question. Et certes, combien de personnes ont trouvé le chemin de la droiture suite aux épreuves? La deuxième leçon et le deuxième enseignement que l'on tire de ce récit, c'est la gravité de cet acte immoral et contraire à la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes que commettait le peuple de Lot. Et ce péché, il fait partie des grands péchés. Malgré qu'aujourd'hui, dans certaines sociétés, on tenterait de le faire passer pour une chose normale, pour une chose qui ne doit pas être blâmée, ou une chose que l'on devrait accepter, on doit trouver dans le cœur du croyant la réprobation de cet acte immoral. Et tu ne dois pas te laisser tromper par la propagande des gens du faux parmi les mécréants et autres, qui, comme on l'a vu, de la même manière que le peuple de Lot, alayhi salam, qui menaçait Lot de vouloir être quelqu'un de pur, de se purifier, c'est-à-dire de se purifier de ses péchés, de s'en écarter. Ils en ont fait une raison pour le blâmer. Et de la même manière, les mécréants aujourd'hui, celui qui veut être pudique, celui qui veut préserver ses mœurs, celui qui veut suivre le chemin de la droiture et s'écarter des péchés, s'écarter de la débauche, s'écarter des turpitudes, ils le font passer pour quelqu'un de mauvais. Et les gens bons pour eux, ce sont les libertins. Et ils voudraient imposer comme normalité la débauche et la turpitude ou al-iyadu billah. Donc le musulman, il lui convient de méditer sur ces récits. Ces récits qui sont connus de tous, même des gens du livre. Ce ne sont pas des choses qu'ils ignorent. Ils en ont la connaissance et la certitude. Mais le diable leur a enjolivé le mal au point qu'il se propage dans leur société et qu'il se banalise et qu'il tente même de l'imposer comme une normalité ou al-iyadu billah. Le troisième enseignement que l'on tire de ce récit est l'importance du commandement du bien et de l'interdiction du mal. En effet, ceci fait partie des fondements de notre religion et ceci fait partie des causes nécessaires à accomplir et à concrétiser afin d'être sauvé du châtiment. En effet, comme on l'a vu, le peuple de Lot ne s'interdisait pas les uns les autres ce blâmable. Au contraire, ils le commettaient même publiquement. Et également, les enfants d'Israël ont été maudits en raison du fait qu'ils ne s'interdisaient pas les uns les autres les péchés qu'ils commettaient, comme on le trouve au verset 78 et 79 de Sourate Al-Ma'ida, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de Daoud et de Isa, fils de Mariam, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. On voit donc que la raison pour laquelle ils ont été maudits, c'est leur désobéissance et leur transgression, et le fait qu'ils ne s'interdisaient pas les uns les autres leurs péchés. Ils se voyaient commettre le blâmable et ne se l'interdisaient pas. Ils ne se rappelaient pas les uns les autres à l'ordre. Donc le commandement du bien et l'interdiction du mal, cela fait partie des qualités les plus éminentes des croyants. Et c'est cette qualité qui a fait des musulmans la meilleure des communautés. Comme on le trouve au verset 110 de Sourate Ali Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah. Donc le commandement du bien et l'interdiction du mal, cela fait partie des fondements de notre religion. Et c'est une qualité de laquelle doit se parer le croyant. Chacun en fonction de ses capacités. Comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a indiqué les différents degrés à ce sujet. Lorsqu'il a dit: celui parmi vous qui voit une chose blâmable, qu'il la change par sa main. S'il ne peut pas, qu'il la change par sa langue, et s'il ne peut pas, qu'il la change par son cœur, car ceci est le minimum exigé par la foi. Donc celui qui a l'autorité, comme par exemple les gouverneurs, ou alors le chef de foyer dans son foyer, ils doivent changer le mal par la main. Ceci est leur responsabilité. Si des péchés sont commis dans ta maison, tu te dois de les empêcher. Tu ne dois pas laisser des péchés être commis sous tes yeux dans ton domicile, car ceci est ta responsabilité. Le deuxième degré, par la langue, celui qui n'a pas l'autorité, mais qui a la science, qui sait qu'une chose est interdite, alors il se doit d'appeler au délaissement de cette chose, condamner cela par sa langue, ne pas laisser les péchés être commis devant lui sans rien dire et garder le silence, au risque d'être maudit, comme ont été maudits les mécréants parmi les enfants d'Israël, comme on l'a vu dans le verset. Et tu ne dois pas faire de complaisance à ce sujet. Certaines personnes, ils n'interdisent pas le mal, ils disent: si je les rappelle à l'ordre, après, cela va faire des problèmes. On va se disputer, ils ne vont plus m'aimer, ils ne vont plus supporter ma compagnie, etc. Ce n'est pas grave. Laisse-les s'écarter de toi en raison de cela. Si une personne ne supporte pas d'être rappelée à l'ordre lorsqu'elle commet un faux pas, si une personne ne supporte pas que son frère ou sa sœur lui ordonne le bien et lui interdise le mal, il n'y a pas de bien en sa fréquentation. Celui qui n'accepte pas d'être rappelé à l'ordre, il n'est pas digne pour être pris comme ami ou comme fréquentation. Donc toi, accomplis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné, avec science et sagesse bien sûr, et bon comportement. Ordonne le bien, interdit le mal, et patiente suite aux nuisances que pourrait causer cela, que ce soit les dénigrements ou les mauvaises paroles que tu pourras entendre suite à cela. Le troisième degré, c'est que tu l'interdises par ton cœur. Et ceci est le minimum exigé par la foi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu n'as pas l'autorité pour changer le mal par ta main, que tu n'as pas la science ou que tu n'as pas les capacités pour changer le mal par ta langue, ou alors que la nuisance de parler serait bien plus immense que le fait de laisser ce péché se commettre, alors le minimum est que tu le condamnes dans ton cœur et que tu ne l'approuves pas. Et j'attire ici votre attention que si tu restes dans l'endroit où ce péché est commis et que tu restes à proximité de ses auteurs sans les blâmer, sans ne rien leur dire, alors tu ne peux pas prétendre condamner ce mal dans ton cœur. Car si tu le condamnes vraiment dans ton cœur, tu te dois de t'écarter de ces gens qui commettent ce blâmable. Ne pas rester à leur côté, mais il t'incombe de t'écarter d'eux lorsqu'ils commettent des péchés. Cela est le signe de la véracité de la condamnation du blâmable dans ton cœur. Et comme on a dit, c'est le minimum exigé par la foi. Malheureusement, aujourd'hui, dans nombre de sociétés, les péchés sont si abondants qu'il se peut que nombre de personnes ne pensent même pas à condamner le blâmable dans leur cœur. Ils voient les péchés, les transgressions, les turpitudes, la débauche sous ses yeux, et c'est devenu pour lui normal. Il n'a plus d'aversion pour cela. Il s'y est habitué. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de nous ramener au chemin de la droiture et de purifier nos cœurs. Le quatrième enseignement que l'on tire de ce récit, qui est un enseignement que l'on trouvait déjà dans le récit de Nuh et de son fils, c'est que faire partie de la famille d'un pieux ne te sera d'aucun profit et ne te permettra pas d'être sauvé du châtiment si toi-même tu n'es pas pieux. Regardez ici comment la femme de Lot a été anéantie avec son peuple. Elle n'a pas été sauvée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cela un exemple à méditer. Il dit au verset 10 de Surat al-Tahrim, « ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط » Allah a cité en exemple pour ceux qui ont mécru la femme de Nuh et la femme de Lot. « كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de nos serviteurs, sous l'autorité de Nuh et sous l'autorité de Lot. « فخانتاهما » Mais toutes deux les trahirent. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la femme de Nuh et la femme de Lot n'étaient pas sur leur religion. Elles n'ont pas suivi leur message. Quelle fut la conséquence? فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا Ils ne furent donc d'aucune utilité pour elles vis-à-vis d'Allah. Le fait d'avoir été la femme d'un prophète vertueux ne fut pas une cause pour elles afin d'être sauvées du châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la fin du verset, وَقِيلَ دَخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ Et il leur fut dit, entrez au feu toutes les deux avec ceux qui y entrent. Donc tu vois à travers cela, l'importance d'œuvrer toi-même dans le bien. Et te rappeler que la piété est la vertu de tes proches, que ce soit ton époux, ton épouse, ton père, ta mère, tes frères et sœurs, cela ne te sera d'aucune utilité devant Allah subhanahu wa ta'ala si toi-même tu n'es pas pieux. Chacun sera jugé pour ses propres œuvres. Donc si tu souhaites être sauvé du châtiment, il t'incombe d'œuvrer dès aujourd'hui dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, en te soumettant à ses ordres, en délaissant ses interdits, en lui vouant un culte exclusif dans l'adoration et en redoublant d'efforts pour te rapprocher de lui. Ceci était donc quelques enseignements tirés de ce récit. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم